Une matinée d'automne de Wilhelm Tenn. L'église du village de X était parée comme pour le jour de Pâques. Les fleurs des bassins venaient d'être cueillies et, encore toutes pleines de gouttes d'eau, semblaient pleurer leurs buissons et leurs parterres. Les roses des tapis étaient effeuillées sous les pieds et les cristaux des lustres, dégagés de leurs vêtements poudreux, fourmillaient d'étincelles comme les branches du givre au soleil. On était en automne. C'était un de ces jours froids et clairs que Madame de Sévigné appelait « jour de cristal ». La grand-rue du village de X était bordée d'une double file d'équipages étincelants où les enfants venaient se mirer, et toutes les bourgeoises de l'endroit se sentaient, ce jour-là, un saint désir d'entendre la messe, désir que de méchantes langues appelaient tout simplement « curiosité ». En effet, au ronflement de l'orgue et au plein chant des chantres de la paroisse, le curé, tout dentelle et tout brocard, célébrait le mariage de Mademoiselle von Blocken, fille d'un agent de change, et de Monsieur le comte de Ligny, un de nos dandys les plus accomplis, rachetant par la bonté de son cœur et la délicatesse de son esprit l'étrangeté de ses manières et de sa mise. Il y avait une particularité singulière dans ce mariage, c'était un mariage d'amour. Cependant, les deux époux étaient soucieux. Tout en admettant qu'on n'ait pas l'insolence du bonheur, il y a loin d'une réserve radieuse, d'une joie qui rayonne, bien qu'on la cache, à cette tristesse qui pesait sur nos fiancés et leur assombrissait le front, comme si le poète qu'on tenait suspendu sur eux eût été de crêpe noire. Marie von Blocken pouvait avoir 18 ans. Son visage était beau de la beauté des anges. Il avait la pureté des lignes et la sérénité du regard. Mais, hélas, ses lèvres étaient pâles comme des feuilles de rose violette que la gelée a flétries. Sa peau était d'une blancheur inanimée, et sa prunelle avait parfois la profondeur et le sombre éclat de ces trouées lumineuses qui se fondent dans des cendres rouges éteintes à la surface. Cette jeune fille était menacée d'une maladie de poitrine. Monsieur von Blocken eût donné toute sa fortune pour une teinte rose revenue sur ce visage d'albâtre, mais chaque matin retrouvait la pauvre enfant plus blanche et comme plus près du ciel. Monsieur Hernandez, un de nos jeunes et célèbres médecins, avait conseillé un voyage en Italie, cette douce et tiède serre chaude pour les fleurs que tuent nos brouillards. Le voyage avait été arrêté, mais le docteur ne voulait pas permettre que Monsieur de Ligny suivît Marie, et tous deux s'aimaient. Le comte avait pleuré comme un enfant. Quant à la jeune fille, elle avait retrouvé une animation étrange. Ses yeux brillaient, elle était forte, elle ne voulait plus partir. Elle parlait de bals, de cavalcades, de chasse, et le docteur était effrayé de tout ce qui se consumait en elle pour alimenter cette belle flamme passagère. Aussi fut-il décidé qu'avant le départ, les deux amants seraient mariés. On espérait que cette certitude de s'appartenir l'un à l'autre leur rendrait le calme dans le cœur. Du reste, une chaise de poste attendait Mademoiselle von Blocken, qui emportait son anneau de fiançailles comme un talisman. La cérémonie nuptiale terminée, les calèches vinrent tour à tour prendre les invités et s'enfuir en jetant au soleil un éclair et un peu de poussière, ce qui reste à peu près de tout plaisir évanoui. L'ordre fut un moment troublé par une querelle qui survint entre un monsieur de Forbin et un tout jeune homme, Alfred de Cussy, à propos d'un coup de coude dans la foule. Mais les deux adversaires parurent se calmer et l'on ne fit pas attention à cet incident. La maison de campagne de M. von Blocken était un véritable palais posé au coin d'un immense parc frais et touffu. Quand tous les conviés furent réunis dans le salon tendu de moire blanche que relevaient des baguettes d'or ouvragées, M. de Ligny offrit son bras à la jeune comtesse, et tous deux descendirent lentement les marelles du péristyle à colonnes, prirent une allée qui s'enfonçait comme dans une grotte de feuillage, et disparurent. On comprit ce besoin de solitude, ce tête-à-tête pris avec une hardiesse pleine de chasteté, ce baiser d'adieu qui fuyait les regards et la foule, et on les laissa seuls. Ils traversèrent le parc lentement, sans dire mot, traînant des feuilles mortes avec leurs pieds, se tenant par la main et balançant légèrement leurs bras, comme font les enfants. Ils arrivèrent ainsi à une cabane ouverte d'un côté, dont le toit de chaume était soutenu par des troncs d'arbres. Au fond régnait un banc garni de mousse et couvert de nattes. Là, ils s'assirent. le comte, le premier, rompit le silence. « Marie, vous partez. »« Je veux vivre pour vous aimer. Je veux redevenir belle. »« Non, je ne pourrai passer toute une année loin de vous. » »« Ai-je cru cela possible? Je n'en sais rien. » »« Mais maintenant, je le sens bien. C'est au-dessus de mes forces. » « D'abord, il me semblait que vous ne deviez pas partir. On m'en parlait et je laissais dire. Et maintenant encore, la voiture est là qui vous attend. Je ne crois pas que vous puissiez partir, quand je suis près de vous, quand nous sommes là, tous deux, si heureux. »« Eh bien, venez, s'écria la jeune femme, suivez-nous à Florence. Vous habiterez quelques villages voisins. Le jour, nous ne nous verrons pas, mais nous nous saurons l'un près de l'autre. » La nuit venue, vous passerez sous ma fenêtre et je vous jetterai un bouquet comme à un amoureux. Oh, ce sera charmant. Quand je vous jetterai du jasmin, cela voudra dire que je serai pâle et souffrante et que j'aurai autour du front un bandeau douloureux comme si j'avais respiré le parfum de ces fleurs, des immortelles noires. » Le comte lui ferma la bouche avec les mains et ne la laissa pas achever. « Mais si je vous jette un bouquet composé d'une grenade, d'une rose et d'un bouton d'oranger, alors vous saurez que mes lèvres seront devenues rouges, que mes joues ont repris leur teinte rosée, et que je suis encore votre épouse ici-bas. » « Taisez-vous, » dit le comte. « Vous savez qu'il faut m'oublier pour cette année. »« Vous oubliez ?»« Parlez à peine et bien bas. » »« Et de quoi parlerai-je, ne pouvant parler de vous ?»« Mais vous aviez raison, il vaut mieux rester. » »« Au nom de notre amour, partez. C'est moi qui vous en prie à genoux maintenant. » « Partir, oh mon Dieu, partir. Henri, pardonnez-moi ce que je vais vous dire. Je suis folle, c'est vrai, je suis jalouse. Hélas, qui me dit qu'un autre amour n'étouffera pas mon souvenir dans votre âme? Moi, je n'ai que mon cœur pour vous aimer, qu'un regard rempli d'admiration est toujours le même, qu'un mot, le seul que je sache et que je répète sans cesse. Mais il est des femmes dont l'amour porte, comme les danseuses, une robe changeante et pailletée. Ce sont des broderies grossières et viles, mais cela éblouit. Ces femmes ont sous l'éventail des regards furtifs qui semblent n'être que pour vous. Leur visage est toujours couvert d'un sourire comme d'un masque. Un moment, vous avez cru que leurs yeux brillants se sont fixés sur vous, que quelque chose de grave, de doux, de passionné a passé dans leur âme. Mais voici que leurs prunelles ont repris aussitôt leur expression vague et chatoyante de coquetterie. Toutes ces réflexions vous paraissent bien graves pour mon âge, mais j'ai beaucoup observé, et c'est tout simple. Le docteur ne veut pas que je danse. Oh, ces femmes-là sont bien dangereuses. Et tenez, je ne puis m'empêcher de vous dire une comparaison qui me vient à propos de la petite baronne de Gernay. Elle est entre ces cinq amoureux qu'elle a rendus passionnés, comme au milieu de cinq lampions qu'elle aurait allumés. Elle s'occupe tour à tour de l'un ou de l'autre, et quand ceux dont elle s'éloigne vacillent et sont prêts de s'éteindre, avec un regard, elle les rallume. Elle parvient ainsi à maintenir autour d'elle une certaine illumination, dont elle a tout le reflet. « Et dont elle aura un jour toute la fumée, » continua le comte en riant aux éclats. Comme toutes celles qui aiment, la comtesse était habile. Elle venait de tuer Madame de Gernay, celle qu'elle craignait le plus, avec une comparaison. Et Marie était bien belle ainsi, avec son front pâle couronné de fleurs d'oranger et son regard maladif qui mêlait des reflets lumineux aux reflets de ses diamants. Et le comte la regardait avec passion, ce dont la jeune femme s'apercevant. « Henri, il est temps de retourner à la maison. »« Non, restons, restons encore. On m'attend. Un seul baiser d'adieu. »« Dans un an, monsieur le comte. » Et la jeune femme, en souriant, s'échappa de la cabane et envoya un baiser à son mari. M. de Ligny voulut la poursuivre, mais un bruit de feuilles appela son attention. La chaumière qu'il venait de quitter était à l'extrémité du parc et tenait à une haie d'aubépine qui servait de clôture. À droite du kiosque rustique était un seau de loup. Grâce à cette trouée dans la haie, M. de Ligny vit passer M. de Forbin, Alfred de Cussy et deux autres jeunes gens. « Ah ! S'écria la comtesse, ce M. de Forbin me fait peur. » « Folle, et pourquoi ?»« Il a déjà eu deux duels. »« Ce n'est pas chose qui déshonore un galant homme. »« Ne dites pas cela, Henri. Le duel est infâme. Je dirais même plus, s'il n'était pas cruel, il serait niais. »« Il est quelquefois inévitable, » reprit le comte. En ce moment, une détonation se fit entendre. Marie tomba évanouie. Le comte courut chercher du secours. Madame de Ligny fut bientôt rappelée à la vie et une heure après, sur l'ordre de M. Hernandez, elle monta dans sa chaise de poste, enveloppée d'une pelisse de satin blanc fourrée de cygne. Son père et le docteur l'accompagnaient. On lui assura que le duel entre M. de Forbin et Alfred de Cussy n'avait eu aucun résultat fâcheux, et la voiture disparut. Si l'on n'avait pas ainsi précipité ce départ, la comtesse n'aurait pu manquer d'apprendre par Madame de Gernay, ou quelque autre excellente amie, que M. Alfred de Cussy avait été tué. Sous prétexte de tir de chasse aux moineaux, M. de Forbin s'était fait prêter par un valet de chambre les pistolets de M. de Ligny. M. de Forbin est un spadassin. Au moment où se passe cette histoire, il était peu connu encore dans le monde, d'où il est tout à fait exclu aujourd'hui. C'est un petit homme, au visage pâle et amaigri, aux yeux d'un bleu gris, à la barbe rare et brûlée, au demeurant fort élégant dans ses manières et dans sa mise, bien qu'il porte toujours quelques vêtements de couleur voyante. Ainsi, ne croyez pas que ce soit un de ces ours d'estaminet qui prennent la grossièreté pour la liberté. Que non pas. Monsieur de Forbin a une meilleure façon, il est dandy et ne pratique que l'impertinence. C'est un fidèle de la mode et vous ne vous douteriez jamais qu'il y a des taches de sang sous ses gants glacés. Un seul mot suffira pour son portrait. Il avait un ami d'enfance, le seul qui lui fût resté. À propos d'une querelle futile, il l'a tué. Le soir, il se montra au balcon des variétés. Maintenant, je vous le répète, on le méprise. On ne voudrait pas plus croiser le fer avec lui qu'avec l'exécuteur des hautes œuvres. Mais avant d'être ainsi traqué comme une bête malfaisante, il a tué bien de pauvres jeunes gens, à commencer par M. de Cussy, qui avait 18 ans. Mais laissons là cet homme, que Charenton réclame, sinon le bagne, et reprenons notre récit. Au bout d'un an, la comtesse de Ligny revint. Son regard avait perdu sa funeste transparence. Cette femme n'était plus comme de la cire diaphane, derrière laquelle flambe une terrible combustion. La lumière jouait maintenant sur ses épaules harmonieusement modelées, qui n'étaient plus moites de fièvre, mais bien fraîches et blanches, comme les épaules d'une Vénus de marbre. Ses joues avaient retrouvé les contours ravissants de la jeunesse, et la vie rayonnait sur les méplats de son front qui avaient perdu leur pâleur ardente. Marie était rayonnante de santé. Si j'avais à vous peindre une rose, je ne vous ferais pas une mosaïque de petites pierres plus ou moins bien assemblées, mais je vous dirais, courez au parterre voisin et regardez. Ayant à vous peindre le bonheur de nos deux amants, je n'essaierai pas d'une mosaïque de mots, mais je vous dirai, jetez un regard dans votre cœur et vous me comprendrez. Le jour de leur réunion fut, par le fait, le premier jour de leur mariage. Aussi M. von Blocken donna-t-il un bal, où furent invités naturellement tous ceux qui avaient assisté à la messe nuptiale. Ce bal fut donné à Paris, dans un magnifique hôtel que M. von Blocken possédait dans la chaussée d'Antin. Les glaces, les cristaux, les diamants, les yeux des danseuses échangeaient des éclairs brûlants, flèches enflammées qui se croisaient et se heurtaient dans l'air. Les femmes et les fleurs se renvoyaient des parfums. C'était enivrant, éblouissant. Des rideaux de points d'Angleterre attachés par des glands d'argent laissaient voir les sombres massifs du parc se découpant sur le gris de fer du ciel. La pluie fouettait les vitres, le vent sifflait, et cette tempête du dehors ajoutait encore à la sérénité de l'intérieur où tout était lumineux, fleuri, tiède et parfumé. La coquette baronne de Gernay, la baronne aux lampions, vous savez, ce soir-là fut terriblement malheureuse. Sa toilette, cependant, était ravissante. Elle avait une robe de crêpe vert, relevée de marabouts de même couleur et semée de perles de corail. Mais une dame trouva que cette robe ressemblait à une asperge montée avec ses petites graines rouges, et le mot fit fureur. Madame de Gernay l'avait entendue, elle était désespérée. Puis elle en voulait à la jeune comtesse de Ligny d'être si belle et si admirablement mise. Enfin, elle eut volontiers consenti à ce que toute cette illumination se changeât en incendie, tant le désappointement d'une coquette est terrible. Monsieur de Forbin lui aussi était malheureux. Le soleil sur autrui lui faisait ombre. Le bonheur de ses amis était une insulte pour lui. Les regards intérieurement joyeux de M. de Ligny l'irritaient surtout. Il savait que le comte flétrissait hautement par ses paroles le duel où Alfred de Cussy avait été tué, et qu'il avait tout fait pour que la maison de M. von Blocken lui fût fermée. Mais le financier ne cachait pas son faible pour les faire ailleurs. Il avait plaidé chaudement la cause de M. de Forbin. Quant à M. de Ligny, il n'avait pas de force pour porter sa joie. Assis dans le fond du salon près de la cheminée, dont l'âtre était rempli de fleurs, il s'était recueilli doucement dans son ivresse. Il contemplait avec rayonnement sa jeune femme, si belle et si heureuse de danser. Il avait besoin de raisonner son bonheur pour bien s'en convaincre, d'analyser logiquement ce qui le rendait fou. Cependant, la coquette baronne de Gernay ne dansait pas. Elle était encore sous le coup de sa robe asperge montée. Elle vint s'asseoir auprès du comte, comme si elle eût sacrifié cette contredanse, et lui dit avec une voix bien câline, en désignant du regard la comtesse, « Cette chère petite, comme elle est belle !» Le comte la remercia avec un regard mouillé de larmes. « Vous avez tort de la laisser danser ainsi. Demain, elle crachera le sang. » M. de Ligny bondit de douleur. Le contact d'une guêpe est suivi du coup d'aiguillon. Au même moment, M. de Forbin, donnant le bras à un autre jeune homme, vint se placer devant M. de Ligny. Tous deux faisaient les observations sur le bal et parlaient assez haut pour que le comte pût les entendre. « Savez-vous, dit le compagnon de M. de Forbin, que la comtesse de Ligny est vraiment charmante ?»« Délicieuse, mon cher. Le climat de l'Italie lui a fait beaucoup de bien. »« Comment cela ? Son mari est resté ici. »« Et quoi ? Ne saviez-vous pas que le docteur Hernandez est son amant ? Mademoiselle von Blocken se mourait d'amour pour lui. Le voyage n'a été qu'un prétexte. » M. de Ligny devint pâle, ses lèvres se crispèrent, il se contint cependant. « Qu'avez-vous, monsieur le comte ? » demanda Madame de Gernay avec une fausse amitié. « Vous êtes trop bonne, en vérité, madame, je n'ai rien. » Et M. de Ligny se leva, il fit quelques tours de salon et se rapprocha d'une embrasure de croisée où M. de Forbin se tenait. « Monsieur, dit le comte à voix basse, vous êtes un lâche et un calomniateur. Je ne puis vous souffleter ici devant tout le monde, mais... Monsieur, chose dite, chose faite. Votre arme ? Le pistolet. Votre heure, demain ? 6 heures, porte-maillot. Madame de Gernay avait observé attentivement le manège du comte et de M. de Forbin et compris les insultes de leurs regards. Elle se leva et vint prendre le bras de Madame de Ligny. « Eh bien, Marie, vous dansez. J'étais si triste pendant un an. Et vous êtes heureuse aujourd'hui ? Cette demande fut faite avec un accent étrange. « Comment voulez-vous que je ne le sois pas ? » s'écria la comtesse avec effusion. La baronne ne répondit point. Après un moment de silence, elle dit comme la chose la plus simple du monde, « Vous connaissez M. de Forbin ?»« Mon père connaît sa famille, mais pourquoi me dites-vous cela ?»« Ah, c'est que votre mari a eu une querelle avec lui ce soir et j'ai cru devoir, en ami, vous en avertir. » Ce n'était certes pas pour prévenir la catastrophe que Madame de Gernay donnait à la comtesse ce charitable avis. Elle était bien aise de lui montrer cette douleur, se déroulant au milieu de ses joies, comme l'aspic de Cléopâtre au milieu des fruits savoureux. Marie devint toute pâle et n'eut que le temps de s'appuyer sur un fauteuil où elle se laissa aller inanimée. On l'emporta dans la chambre nuptiale, sous cette alcôve, amoureusement drapée de taffetas bleu, et là on la déposa, les yeux clos, la bouche serrée, le visage blafard, semblable enfin aux clochettes blanches des buissons que la nuit a fermées. Grâce aux soins qui lui furent prodigués, bientôt elle reprit ses sens. Sa première pensée fut de tout confier à son père, de lui demander protection. Mais elle ne se dissimula pas que sa démarche serait vaine. M. von Blocken gémirait, mais laisserait faire. Homme du monde, il l'appelait encore à faire d'honneur ces rencontres où il n'y a que vanité et barbarie. La comtesse le comprit bien. Aussi cacha-t-elle sa douleur avec un sourire, comme les tortures de son cœur étaient cachées par un bouquet. Elle se sentait beaucoup mieux, disait-elle. L'odeur des bougies et des fleurs, la chaleur du bal, lui avaient causé cet étourdissement passager, mais ce n'était rien. On la crut et on la laissa seule. Quand M. de Ligny entra dans la chambre nuptiale, La comtesse était assise sur une chaise longue, ne pouvant se tenir à genoux, et elle priait. Le comte était triste, non pas qu'il fût lâche, mais avoir poursuivi pendant des années le bonheur comme fuit un mirage au désert, et au moment où, épuisé, haletant, on va quitter le ciel aride et le sable brûlant pour entrer dans l'oasis, qu'un homme à qui c'est le bon plaisir et qui n'a rien à perdre vous arrête au passage et vous dise « Je veux voir si d'abord je puis réussir à vous tuer. » C'est horrible. Monsieur de Ligny s'approcha bien doucement de sa femme. « Henri, laissez-moi, je vous prie, » s'écria-t-elle. Le comte se mit à genoux à côté d'elle. Ses mains étaient jointes, ses yeux étaient ardents. Il prie aussi, mais ce n'était pas Dieu. « Oh, disait-il, Marie, que je vous aime. » « Henri, je veux passer cette nuit en prière. Marie, voici un an que j'attends, jour et nuit. Le moment où, seul, je dois entendre de votre bouche ce mot, je t'aime, et vous ne me dites rien. Êtes-vous mon époux ? » s'écria la comtesse d'un air égaré. « Et si vous l'êtes, le serez-vous demain ? Je sais tout. » « Vous pâlissez. On ne m'avait pas trompé. Henri, il faut que vous me promettiez ici de ne pas vous battre. Il le faut absolument. Regardez-moi. M'entendez-vous ? Henri, n'est-ce pas que vous ne voulez pas que je meure, que vous m'aimez et que vous ne vous battrez pas ? Mais on vous a exagéré une querelle de peu d'importance et qui n'aura pas de suite. Vous mentez, vous mentez. Vous voulez me tromper, et demain, allez vous battre. Mon Dieu, mais pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir il y a un an ? Oh, vous ne sortirez pas d'ici, vous me tuerez plutôt. » Et Marie se leva, et se posant devant la porte, elle tint étendue avec ses mains la portière de damas bleu qui la recouvrait. Son œil était hagard, ses cheveux, à demi dénoués, se tordaient sur ses joues, et la belle enfant grelottait. Le comte, fou de désespoir, se précipita vers elle en s'écriant « Marie, je ne me battrai pas. Que m'importe un sot préjugé et l'opinion du monde ? N'es-tu pas plus pour moi que toute la terre ? J'étais fou, pardonne-moi. Je croyais que cet homme t'avait insulté. Mais des larmes ? Et c'est moi qui l'ai fait couler ? Pourquoi faut-il, pauvre et faible ami, que je ne fasse rien qui ne te heurte, qui ne te froisse ? Je te parlais d'amour tout à l'heure, mais je vois que cela vous effraie, madame. Eh bien, « repose-toi, je veillerai. J'entendrai le bruit de ton haleine et je serai content. » Et il la prit dans ses bras comme un enfant et il la déposa sur le lit. Marie, fatiguée par cette nuit de bal et de souffrance, se laissa aller, ferma petit à petit ses beaux yeux et s'endormit. Le comte s'assit dans une bergère près du lit. Cependant le jour ne tarda pas à paraître et le comte frémit. Il rentrait dans la réalité. « Oh, voilà une journée qui commence, et il sera beaucoup parlé de lui. Combien de fois, jusqu'à ce que la nuit vienne, son nom sera-t-il prononcé au bois, au divan, au foyer du théâtre, chez la baronne de Gernay, surtout, dans ce jour de thé ? Savez-vous l'histoire du comte de Ligny ? Il est marié d'hier. Il s'agit bien de cela. Il a eu une affaire avec M. de Forbin. Rendez-vous a été pris au bois de Boulogne. » Mais M. de Forbin en a été pour sa promenade du matin. « Oh, ben je le croyais brave. L'air du matin est dangereux. » Comme il entend d'ici toutes ces confidences à voix basse, comme il voit tous ces sourires et tous ces clignements d'yeux. Et quoi, lui, si honoré jusqu'à ce jour, il ne pourra plus lever les yeux ? Oh, sans l'honneur, comment vivre ? L'honneur est l'atmosphère de l'âme. Mais non, ses amis le mépriseront, ses ennemis auront pitié de lui. Cet homme vous barre le passage. Oh, ne vous dérangez pas pour lui. Coudoyez-le, c'est un lâche. Le voilà qui donne le bras à sa femme. Elle est jolie, la comtesse, messieurs les faquins. Vous pouvez aller la regarder jusque sous son voile. Son mari est un lâche. Oh, misère. Il faudra bien qu'un jour cet homme-là se révolte. Les battements de son cœur suffiront à soulever ses bras indignement croisés. Et alors il aura à se battre contre celui-ci, contre celui-là, contre tous. La comtesse dort. Après cette nuit d'insomnie et de fatigue, son sommeil sera long. Dans une heure, on peut être de retour, à moins 6h15. Oh, le comte de Forbin est peut-être déjà sur le terrain, scrutant avec son regard les avenues vides et souriant horriblement. Le comte ne put tenir à cette pensée. Il partit. C'est une compagne jalouse que la douleur. Elle se couche à vos côtés. Elle met sa main lourde et glacée sur votre cœur. Elle vous arrache au sommeil. Elle ne veut pas qu'on l'oublie. » Marie se réveilla en sursaut. Ses yeux cherchèrent le comte. Elle poussa un cri, s'élança vers un cabinet de travail et, le trouvant vide, revint anéantie dans sa chambre. Un moment, elle posa sa main sur son front pour soutenir sa pauvre tête étourdie. Mais ce ne fut qu'un moment. Une résolution subite illumina ses traits. Elle arracha les fleurs, les pierreries qui ornaient encore ses cheveux, et s'élança vers une sonnette qu'elle agita violemment, puis elle ouvrit sa porte et attendit. Mais sa femme de chambre, qu'elle avait appelée, ne venait pas. C'était une Alsacienne, au sommeil lourd et au réveil laborieux. Monter auprès d'elle, parvenir à se faire entendre, et quand on se ferait entendre, parvenir à se faire comprendre, il fallait des siècles pour cela. Faire atteler la voiture, c'était impossible. Cocher et palefrenier étaient allés célébrer la noce dans un cabaret. D'un autre côté, la chambre de la comtesse était une vraie chambre de mariée. Des dentelles, des flacons, des peignoirs, des rubans, puisqu'il n'en fallait. Mais sous cette coquetterie, tout le désordre d'un récent emménagement. Ce meuble était fermé. Où était la clé? Cet autre meuble, à portée de la veille, était vide, et le temps pressait, le temps courait. Madame de Ligny avait une robe de crêpe blanc, à manches courtes. Elle prit une écharpe de gaze qu'elle trouva sous sa main, s'en enveloppa la tête, les bras et les épaules, et partit. Le concierge, encore couché, se contenta de tirer le cordon sans s'informer qui sortait. La comtesse se trouva dans la rue. Un épais brouillard couvrait les maisons. À peine apercevait-on çà et là la lumière rougeâtre et terne de quelques réverbères attardés. L'atmosphère était humide et froide. Il avait plu toute la nuit. Le ciel était traversé par de grandes nuées, molles, déformées, vaporeuses comme la fumée, et qui annonçaient encore de la pluie. De grandes flaques d'eau inondaient la rue. De loin en loin, un pavé ressortait comme un îlot. Quel chemin prendre? Où le comte était-il allé? Madame de Ligny vit un commissionnaire qui, au coin d'une borne, faisait son petit ménage, c'est-à-dire établissait ses crochets. Elle s'avança vers lui et lui dit « N'avez-vous pas vu un homme sortir de cette maison il y a quelque temps ?»« Je crois bien que oui. »« Oh, pourriez-vous me dire quelle route il a prise ?»« Ma foi, ma belle dame, j'ai connaissance de ça et je crois bien que votre individu a pris par là. » Marie devina plutôt qu'elle n'entendit la fin de cette réponse et elle se mit à courir. Elle comprit que le comte s'était rendu au bois de Boulogne. Alors commença une course terrible, haletante, désespérée. Les maisons, les carrefours, les rues fuyaient derrière elle. Cependant, la ville s'éveillait et les passants s'arrêtaient en voyant passer cette femme vêtue en costume de théâtre et nu-tête. Quelques-uns l'appelaient et Dieu sait par quel nom. D'autres couraient derrière elle pour la voir plus longtemps. Quelques enfants commençaient à la suivre avec plus d'agilité et de persistance, comme aussi plus de cris. Elle voyait bien sur son chemin des ombres qui glissaient. Elle entendait bien vaguement des voix, des exclamations et des rires, mais elle ne distinguait rien, mais elle n'écoutait rien, elle courait. Elle passa devant une place de fiacre. Cette place était vide, et la pauvre femme continua. Ses cheveux étaient trempés par la sueur. Son écharpe de gaz, mouillée par le brouillard, s'affaissait sur sa tête et sur ses épaules qui, sous ce voile, étaient comme nues. Ses souliers de bal, des souliers de satin, s'étaient déchirés sur le pavé tranchant, et ses pieds étaient souillés par la boue et pénétrés par l'eau. Elle ne s'en apercevait pas, elle courait. Les femmes du peuple l'injuriaient, la poursuivaient de huées, et le public commençait à devenir menaçant quand Marie arriva dans les Champs-Élysées. Le sol était tellement effondré que les plus curieux ne cherchèrent pas même à la suivre. La comtesse put gagner l'allée du milieu, tout en traînant après elle les lambeaux de sa robe mouillée de fange et les débris de ses souliers. Un fiacre descendait l'avenue. Marie se jeta avec désespoir au travers des chevaux que le cocher eut assez de force pour retenir, et elle s'écria, en tombant sur ses genoux, « Ayez pitié de moi, menez-moi où ils sont !» Un des hommes qui était dans la voiture, impatienté par ce retard, passa la tête à la portière et poussa un cri d'effroi. En un moment, il fut près de la comtesse, l'enleva dans ses bras et la déposa sur les coussins de la voiture. La comtesse était dans les bras de son mari, mais elle ne put le voir, car elle perdit connaissance. Madame de Ligny tomba malade. Les symptômes de la maladie de poitrine revinrent avec une force inouïe. En quelques jours, toute sa belle santé disparut. On eût dit une fleur qu'on aurait traînée dans la fange et foulée sous les pieds. Le comte ne quittait pas son chevet. Lui aussi était horriblement changé. Mais il conservait une force factice qui s'éteignit un jour. Oh, quel affreux jour! Un matin, la comtesse parut reprendre des forces. Toute la maison était en fête, mais Marie souriait tristement. Elle se couronna de roses blanches et fit ouvrir les fenêtres. Sa femme de chambre vint en pleurant lui baiser les mains, mais elle la repoussa en s'écriant avec un ton amer « Quelle santé !» Puis elle la rappela, l'embrassa et se mit à pleurer. Enfin, elle se tourna vers son mari, qui, la tête renversée sur le lit, sanglotait, et elle dit d'une voix faible « Henri, je sens que je vais mourir. Hélas, je vous aime. Écoutez-moi. Je veux remercier Dieu de chaque jour qu'il me donne pour vous voir et pour vous aimer. Chaque jour. Amenez-moi quelques pauvres enfants dans la misère. Vous ferez acheter des habits chauds et propres, et on les leur donnera pour qu'ils ne souffrent pas du froid cet hiver que je ne verrai pas. » Pendant 8 jours, comme elle l'avait demandé, on habilla de neuf un enfant de pauvre, et on le fit passer ainsi vêtu devant le lit de Marie, et sans doute chaque enfant dut garder la conviction qu'il avait vu un ange. Le 8e jour, l'enfant qu'on habilla ne passa pas devant le lit. M. de Ligny n'a point survécu à Marie. Quant à M. de Forbin, il avait été assez grièvement blessé dans sa rencontre avec le comte. Mais hier matin, pour une stale disputée à l'opéra, il a cassé le bras à son adversaire. Savez-vous qu'il se rouillait ? Ainsi s'achève une matinée d'automne de Wilhelm Tenin.